Jérémie chapitre 4. Israël, si tu te retournes, dit l'Éternel, retourne-toi à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant çà et là. Alors tu jureras en vérité, et en jugement, et en justice, l'Éternel est vivant. Et les nations se béniront en lui, et se glorifieront en lui. Car ainsi a dit l'Éternel à ceux de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous les terres, et ne semez point sur les épines. Hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, soyez circoncis à l'Éternel, et ôtez les prépuces de vos cœurs, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu, et qu'elle ne s'embrase, sans qu'il y ait personne qui l'éteigne, à cause de la méchanceté de vos actions. Faites savoir en Juda, et publiez dans Jérusalem, et dites, sonnez du cor par le pays, criez, et vous amassez, et dites, assemblez-vous, et nous entrerons dans les villes fortes. Dressez l'enseigne version, retirez-vous en troupe, et ne vous arrêtez point, car je m'en vais faire venir de l'Aquilon, le mal est une grande calamité. Le lion est monté hors de son allié, et le destructeur des nations est parti, il est sorti de son lieu pour réduire ton pays en désolation, tes villes seront ruinées, tellement qu'il n'y aura personne qui y habite. C'est pourquoi saignez-vous de sac, lamentez, et hurlez, car l'ardeur de la colère de l'Éternel n'est point détournée de nous. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que le cœur du roi, et le cœur des principaux, sera épouvanté, et que les sacrificateurs seront étonnés, et que les prophètes seront tout confus. C'est pourquoi j'ai dit, ah! Seigneur Éternel, oui, certainement tu as abusé ce peuple et Jérusalem, en disant, vous aurez la paix, et l'épée est venue jusqu'à l'âme. En ce temps-là on dira à ce peuple et à Jérusalem, un vent éclaircissant les lieux élevés souffle au désert, dans le chemin de la fille de mon peuple, non pas pour vanner, ni pour nettoyer. Un vent plus véhément que cela viendra à moi, et je leur ferai maintenant leur procès. Voici, il montera comme des nuées, et ses chariots seront semblables à un tourbillon, ses chevaux seront plus légers que des aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Jérusalem, nettoie ton cœur de ta malice, afin que tu sois délivré, jusqu'à quand séjourneront au-dedans de toi les pensées de ton injustice? Car le cri apporte des nouvelles de Dan, et publie du monde Ephraïm le tourment. Faites l'entendre aux nations, voici, publiez contre Jérusalem, et dites, les assiégeants viennent d'un pays éloigné, et ils ont jeté leur cri contre les villes de Juda. Ils se sont mis tout autour d'elle comme les gardes des champs, parce qu'elle m'a été rebelle, dit l'Éternel. Ta conduite et tes actions t'ont produit ces choses, telle a été ta malice, parce que ça a été une chose amère, certainement elle te touchera jusqu'au cœur. Mon ventre, je suis dans la douleur, le dedans de mon cœur me bat, je ne me puis taire. Car, ô mon âme, tu as vu le son du cor, et le retentissement bruyant de l'alarme. Une ruine est appelée par l'autre, car toute la terre est détruite, mes tentes ont été un continent détruite, et mes pavillons en un moment. Jusqu'à quand verrai-je l'enseigne, et entendrai-je le son du cor? Car mon peuple est insensé, ils ne m'ont point reconnu, ce sont des enfants insensés, et qui n'ont point d'entendement, ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. J'ai regardé la terre, et voici, elle est sans forme et vide, et les cieux, et il n'y a point de clarté. J'ai regardé les montagnes, et voici, elles branlent, et toutes les collines sont renversées. J'ai regardé, et voici, il n'y a pas un seul homme, et tous les oiseaux des cieux s'en sont fuis. J'ai regardé, et voici, Carmel est un désert, et toutes ses villes ont été ruinées de par l'Éternel, et par l'ardeur de sa colère. Car ainsi a dit l'Éternel, toute la terre ne sera que désolation, néanmoins je ne l'achèverai pas entièrement. C'est pourquoi la terre mènera deuil, et les cieux seront obscurcis au-dessus, parce que je l'ai prononcé, je l'ai pensé, je ne m'en repentirai point, et je ne le révoquerai point. Toute ville s'enfuit à cause du bruit des gens de cheval, et de ceux qui tirent de l'arc, ils sont entrés dans les bois épais, et sont montés sur les rochers, toute ville est abandonnée, et personne n'y habite. Et quand tu auras été détruite, que feras-tu? Quoique tu te vêtes de cramoisi, et que tu te pares d'ornements d'or, et que tu couvres ton visage de fard, tu t'embellis en vain, tes amoureux t'ont rebuté, ils chercheront ta vie. car j'ai ouï un cri comme celui d'une femme qui est en travail, et une angoisse comme celle d'une femme qui est en travail de son premier-né. C'est le cri de la fille de Sion, elle soupire, elle étend ses mains, en disant, « Malheur maintenant à moi, car mon âme est défaillie à cause des meurtriers. »